Au sommaire de Sahel du Belge numéro 19, Nos batailles de Guillaume Senez, film d'ouverture du FIF 2018 et qui sortira dans les salles belges le 3 octobre. Je n'avais pas vraiment aimé le précédent film de Guillaume Senez, Keeper. Bon, c'était un premier long métrage, je savais qu'il y aurait les défauts des débuts, qu'il fallait que je sois indulgent, mais malgré ça, cela ne passait pas chez moi. Donc j'étais curieux de voir si Nos batailles allaient confirmer ou infirmer mon avis. Disons que je reste quelque peu mitigé. Le point fort du film, c'est le casting. Chacun joue bien sa partition. Romain Duris, qui joue Olivier le père, est dans un de ses meilleurs rôles. Je trouve qu'il mûrit bien, et ce rôle de père abandonné par la mère de ses enfants, coincé par ses responsabilités au boulot, lui sied parfaitement. Lucie Debay, qui joue Laura la mère, monte de film en film, de Mélodie à Lola Pater, en passant par Un Français ou King of the Belgians, qu'elle a un grand talent, qu'elle sait varier son jeu. Laure Calamy, Claire, m'épate à chaque fois par sa capacité à prendre son personnage à bras-le-corps et à lui donner, quelle que soit la longueur de son rôle, une âme. Laetitia Doche, Betty, la sœur d'Olivier, je l'avais vraiment découverte l'année dernière dans Jeune Femme, où elle était magnifique de vérité. Dans Nos batailles, elle joue la rigolote de service, très franche en parole, mais son rôle aurait mérité plus de développement. La faiblesse du deuxième long-métrage de Guillaume Senez, c'est le balancement incessant entre chronique familiale et chronique sociale. Par moments, je ne savais plus où j'étais. Une des deux bonnes idées aurait dû être mise plus en exergue et l'autre en contrepoint. Il y aurait eu un meilleur équilibre qui m'aurait vachement botté. Bon, avec certains réalisateurs ou réalisatrices, il m'a fallu un certain temps pour apprécier entièrement leur cinéma. Gageons que ce sera la même chose avec Guillaume Senez. À la prochaine.